deux ou trois sons qui traînaient dans mon disque dur. Fallait que ça sorte. Avant de tourner la page, je te laisse faire sa lecture. Putain de vite artiste, je t'écrase le papier sans arrière-pensée. J'ai pas l'intention de percer dans ton rap français. Si j'écris, c'est avant tout pour vider mon sac même. Avec la haine, j'essaie de censurer les mots sales. C'est trop facile de dire, je nique les keufs et les tailles. Ouais, j'ai déjà fait le gars, mais j'ai trop bouffé le bas, mec. Si un jour je sors un disque, il faut que le message soit sensé, sincère, censé te faire penser, te faire danser. À quoi ça sert? Tu veux du divertissement? Écoute la Starac. Mon rap tente l'avertissement quand la jeunesse dérape. Si j'écris un coup, j'ai pas pour objectif la thune. J'foque les tarots avec mon rap, j'espère pas faire fortune. Même si j'en vends 1000, ça remboursera le pressage. De toute façon, j'm'en fous, ce que j'veux, c'est faire passer le message. Fallait que ça sorte! Un MC de plus qui lâche ses thèmes. J'écris en espérant que dans le cœur des gens la rage s'éteigne. Un mec parmi des centaines, tu viens jacter sur bande sonore. C'est désolant, mais les vrais rappeurs underground. Fallait que ça sorte! Un MC de plus qui lâche ses thèmes. J'écris en espérant que dans le cœur des gens la rage s'éteigne. Un mec parmi des centaines, tu viens jacter sur bande sonore. C'est désolant, mais les vrais rappeurs underground sont morts. Désolé, j'suis pas un de ces types qui rap illicite. Fallait que ça sorte! Un skeu dans le guise de carte de visite. Déjà 6 ans de rap, mais je peux pas dire que le reste suit si je reste ici. Heureusement que la passion m'anesthésie. Les gens me disent, t'as ton passe-temps, t'es bien CRS. Ok, mais j'ai l'impression de passer à côté du reste. Imagine que toute ma vie je rap dans le CEF. Même si je t'ai déjà dit que je me fous de ma barre de bénef. Si je me gourde de route, je sais très bien qu'elle est irréversible. Une fois foutu c'est mort, c'est pas genre je pourrais faire style. C'est toute ma vie que je mise, écoute c'est pas du blabla. Ça plus que si tu recherches des insultes et des blagues. Fallait que ça sorte. Un MC de plus qui lâche ses thèmes. J'écris en espérant que dans le cœur des gens la rage s'éteigne. Un mec parmi des centaines, tu viens jacter sur bande sonore. C'est désolant, mais les vrais rappeurs underground. Fallait que ça sorte. Un MC de plus qui lâche ses thèmes. J'écris en espérant que dans le cœur des gens la rage s'éteigne. Un mec parmi des centaines, tu viens jacter sur bande sonore. C'est désolant, mais les vrais rappeurs underground sont morts. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. J'écris en espérant que dans le cœur des gens la rage s'éteigne. C'est désolant, mais les vrais rappeurs underground. Fallait que ça sorte. J'écris en espérant que dans le cœur des gens la rage s'éteigne. C'est désolant, mais les vrais rappeurs underground sont morts.